François Morel, à vous. Vas-y Poupou, le nombre de fois qu'il a dû entendre ça, tout le temps, à longueur de coups de pédale, de tours, de grandes boucles et de critériums, de Paris-Nice et de championnats, même sur le Milan-San Remo, même sur la Flèche Wallonne et le Tour d'Espagne. Vas-y Poupou, même pour rien, même comme ça, pour rigoler, pour dire bonjour, quand il était en train de pousser son caddie sur le parking du Carrefour Market de Saint-Léonard-de-Noblat. Vas-y Poupou. Et Poupou faisait un signe de la main. Merci les gars, merci pour la fidélité. Une vie entière à être encouragé. Vas-y Poupou. Vas-y Poupou. Par tous les temps, toutes les météos, sous le soleil qui frappe, la pluie qui tombe, la grêle qui transperce. Vas-y Poupou. Sur toutes les étapes, celle des cinq cols entre Briançon et Aix-les-Bains, au sommet du Puy-de-Dôme, dans l'ascension du col d'Aspin et sur le Paris-Nice, l'ultime étape, Nice-Col d'Aize, quand le vieux Poupou de 36 ans s'envole et relègue le jeune Belge de 27 ans, Eddy Merckx, à 22 secondes. Vas-y Poupou, t'es le meilleur même quand t'es pas le meilleur. On parle de Merckx, mais bien sûr, le complice concurrent, l'adversaire acolyte, le faux ami, le meilleur ennemi, c'est Anquetil. Le flambeur, la caravelle, le chrono, le maître, l'alter ego. L'époque était binaire. La gauche, la droite, De Gaulle, Mitterrand, Bourvil, De Funès, Sheila, Sylvie Vartan, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Poiret et Serrault, Antoine ou Johnny Hallyday. Les temps sont devenus plus confus. Vas-y, Poupou. C'est ce qu'on criait à côté de mon père le 2 novembre 1969 lors du critérium de la ville de Flers-de-l'Orne. Et c'est encore Anquetil, le mal-aimé, qui avait gagné. Et Poupou, victorieux dans la défaite, qui était arrivé même pas second, mais troisième, juste derrière Raymond Delisle, qui était un peu la vedette de l'étape, vu qu'il était bas normand, d'Anqueteville, dans la Manche, pas loin de Coutances, et qui, en 2013, est mort, pas loin de Saint-Lô, justement à Hébécrevon. Hébécrevon, c'est peut-être pas ce qui peut arriver de pire à un cycliste, mais ça peut faire perdre de précieuses secondes. Hébécrevon, c'est peut-être pas ce qui peut arriver de pire à un homme, puisqu'il faut bien y arriver. Vas-y, Poupou. Eh ben, il a fini par y aller, Poupou, comme les copains, comme tout le monde, comme Anquetil et Roger Pinjon, comme Gimondi et Louis Ocagna, comme Louison Bobet et Fausto Coppi. Oui, il a bien fallu qu'il finisse par y aller, Poupou, au terminus des prétentieux et des modestes. Vas-y, Poupou. Et il y allait, Poupou, en prenant son temps, en musardant, qui aime bien si lunettes ménage sa monture, comme disait Pierre Dac, une autre idole de papa. Tiens, Poupou, plutôt qu'un Ave Maria, un Stabat Mater ou un chant grégorien, en guise de requiem, je t'offre du Yvette Horner, la grande Yvette, qui monte sur le toit de l'attraction avant, aux couleurs de la réclame Suze. Elle s'est coiffée d'un sombrero, et rien que pour toi, mon Raymond, éternel Poupou, elle interprète un grand succès du Musette.